notre vraie identité. Question pourrait se poser du point de vue de l'ego comme « En quoi devons-nous nous identifier? » Alors, la semaine dernière, je parlais de l'inidentification. Donc, on doit s'identifier dans rien. Lorsque l'être humain s'identifie, il est lui parce qu'il n'est pas le reste. Et l'évolution de la conscience de l'homme, l'évolution cosmique de l'homme, c'est finalement d'arriver à être tout le reste. Alors, en quoi ou quelle est notre vraie identité? C'est extrêmement complexe de s'identifier dans quelque chose sans nécessairement exclure l'extérieur, et cela engendre dans la conscience individualisée de l'être humain une vision polarisée, une vision où il y a lui et le reste, et nécessairement ça engendrera lentement la prolifération de systèmes de jugement où je serai plus, moins bon que le reste, où je serai meilleur que le reste, et toute la phénoménologie de la dualité psychologique de l'homme. En quoi on doit s'identifier? Dans strictement rien. Mais c'est très pénible pour la psychologie, la partie qui vit selon l'évolution animale de l'homme, de comprendre qu'elle doit s'identifier dans rien, parce que n'ayant pas de puissance de par sa nature, elle essaie d'acquérir de la puissance de par l'illusion. L'âme n'a pas d'identité réelle. L'âme est collective. Il est manipulé par des processus réincarnationnels. Il est manipulé par les stimulations physiques qu'il reçoit régulièrement. Il fait beau, tu veux qu'il fasse plus beau, tu chiales. Il fait beau, il pleut, tu veux qu'il fasse beau, ça ne va pas. Il fait froid, tu vois, il y a tout le phénomène que vous connaissez déjà depuis longtemps. Et ça, ce n'est pas de l'évolution. Parce que l'âme n'a aucune puissance. L'âme est simplement un phénomène mémoriel, de la mémoire, une créature du temps, qui se prend pour l'instantanéité, qui se prend pour l'individu espritique qui a créé ce phénomène-là, eh bien, l'âme s'identifie. S'identifiant, il s'identifie dans son nom, il s'identifie dans sa profession, dans sa couleur de peau, dans sa langue, il s'identifie dans son corps, les sexes, et il s'amuse. Et à travers cette identification, il se problématise la vie et il vit des souffrances. Quelle est notre vraie identité? C'est une question qui, du point de vue de la vraie identité, ne se pose pas. Et évidemment, vu que c'est l'ego qui pose la question, c'est un petit peu frustrant d'avoir ça comme réponse. Quelle relation y a-t-il entre le savoir et la langue française? Rien. Entre la langue québécoise et la langue française, énormément. La langue québécoise est l'une des langues qui, présentement, à l'échelle de la planète, permet le mieux la diffusion d'une connaissance instantanée pour la simple raison qu'il y a suffisamment de mots qui peuvent supporter d'énergie dans cette langue et il y a suffisamment de possibilités de créer de nouveaux mots très clairs. L'anglais se rapproche de la langue française. Les deux, d'ailleurs, ont les mêmes racines. Mais c'est la langue française, la langue québécoise, qui, pour de multiples raisons, est la meilleure. Si on parle de colère mentale, où on parle de colère psychologique tout court, c'est beaucoup plus évident lorsque l'on fait une colère en québécois que lorsqu'on la fait en français ou en d'autres langues. Il y a des termes, il y a des expressions, il y a des choses absolument parfaites qui se font en québécois et qui se font difficilement en français. Alors, j'ai déjà suffisamment élaboré là-dessus, mais on ne doit pas s'enorgueillir de parler le québécois. Et quand je parle du québécois, je parle d'un québécois qui ressemble un peu au mien. Je ne parle pas d'un québécois qui parle un peu comme toi et puis moi. Bon. Lorsque nous parlons d'une langue, nous parlons nécessairement d'un langage qui est juste et non pas d'une langue qui est fausse. Celui qui a la parole fausse, qui parle n'importe quelle langue, n'aura pas la possibilité d'exprimer de l'intelligence parce qu'il exprime continuellement des phénomènes qui viennent du monde de la mort. Bon, ici j'ai un livre, j'ai passé, si on a le temps, on va repasser. Quel genre de contrôle est bon ou mauvais de ne pas vouloir d'enfant? Est-ce que c'est bon ou mauvais de ne pas vouloir d'enfants? Ça regarde l'individu, ça ne me regarde pas moi, absolument pas. J'adore les enfants, j'ai rien contre ceux qui en ont. Et je n'ai rien contre ceux qui n'en ont pas. C'est une question qui demande à l'orateur, donc qui me demande à moi, de donner une opinion qui pourrait permettre de supporter l'opinion de la questionneur, du questionneur, ou encore une fois, de lui faire changer d'idée. La personne qui pose une question, elle ne doit pas se sentir coupable, elle doit vivre simplement ce qu'elle a à vivre. Et si elle est indécise, c'est simplement parce que la décision n'est pas prise et ce n'est pas à moi de colorer sa décision. Si on parle au niveau processus réincarnationnel, normalement, on se réincarne dans nos enfants, de notre propre vivant, et on va se réincarner du point de vue des mémoires réincarnationnelles dans notre lignée familiale par la suite, donc dans les enfants des enfants de nos enfants. Raison de plus pour donner à nos enfants un monde un peu meilleur, parce que comme ça, quand on va revenir, ils ne l'auront pas tous engagé. Et la personne qui dit « si j'ai pas d'enfant, je me réincarne comment? » Eh bien, tu te réincarneras dans les enfants de tes sœurs, de tes frères, ou de tes cousins, ou de tes cousines, ou de, etc. La lignée familiale est suffisamment grande depuis les quelques milliers d'Adam et Ève qui sont passés sur la planète dans le début. Alors, il n'y a pas de problème pour ça non plus. Le syndrome de l'électron, est-ce qu'on orbite autour de vous qui seriez le noyau? Un électron, c'est négatif, ça devrait s'appeler PMC-. Ah, c'est intéressant. Rapport au PMC+. Non, non, non. Syndrome de l'électron, c'est autre chose que ça. C'est une maladie qui est... C'est pas une maladie, mais c'est un mimétisme total entre l'âme de l'homme qui fait, qui agit, qui suit les mêmes règles que l'électron dans son évolution. L'électron, il est là. Et il bouge là, comme ça, de n'importe quelle façon. Pourquoi? Parce qu'il réagit à tout ce qui l'entoure. Et il y a plusieurs mécanismes, il y a plusieurs lois, hein, appelées astrophysiques, qui vont déterminer la fonction de la mécanicité, de la motricité de notre électron. Et l'être humain est exactement identique à l'électron. Et ce sont des lois similaires qui vont l'obliger à être totalement assujetti à une réaction continuelle à travers tout ce qui va l'entourer. Et quand je parle du syndrome de l'électron, c'est donc ce phénomène-là qui est l'être humain est pris du syndrome de l'électron. Il est identique dans sa correspondance avec la vie, comme l'électron va l'être dans sa correspondance avec son expression. Alors, il y a toute une problématique, un phénomène qui entoure cela. Et en comprenant ces lois-là, on peut parvenir à obliger par la conscientisation intelligente tout notre phénomène à ne pas réagir comme l'électron. Et c'est de ce que je vais parler. Alors, ça n'a rien à voir avec le fait que les gens peuvent soit venir en conférence, soit faire un séminaire, bref, tourner autour de moi, puis moi, je suis le noyau. Absolument pas. J'ai déjà dit que lorsque j'aurai des disciples, je leur demanderai de se mettre à genoux. Puis quand ils seront à genoux, je pourrai leur donner un coup de pied dans le visage plus facilement. Alexandre Lachance est-il dans le monde moronciel ou réincarné? Un jour, un pays entouré d'ennemis, des ennemis qui sont plutôt des ennemis occultes, était régi par un grand gouverneur, un grand roi. Et ce roi a tout fait pour changer certaines caractéristiques de son peuple. Mais il y avait des législations, il y avait plusieurs phénomènes à l'intérieur même de ce royaume qui interdisaient, enfin qui empêchaient le peuple de comprendre l'intelligence du changement mené par le roi. À un moment donné, le roi est décédé. Étant décédé, des êtres contrôle se sont occupés de faire en sorte que toutes les mémoires de ce roi, ou presque, se réincarnent dans la majorité des fidèles du peuple. Et la journée de sa mort, les journées qui ont suivi sa mort, lentement le peuple a commencé à penser, à voir l'intelligence de ce que le roi menait. Et lentement, le peuple a commencé à se rallier aux vieilles idées du roi. Et lentement, par l'intermédiaire des êtres contrôle, le roi s'était réincarné dans son peuple, ce qui promettait plus facilement la possibilité, dans les dizaines d'années qui étaient pour suivre, une possibilité de changement au niveau du peuple. Lentement, le peuple pourrait peut-être finir par exprimer ce que le roi voulait exprimer. Si on parle d'Alexandre Lachance, que l'on parle de René Lévesque, que l'on parle de plusieurs autres personnages, les êtres contrôle s'occupent bien souvent de phénomènes du genre, et c'est ce qui va normalement faire en sorte qu'un peuple, lorsqu'un des êtres contrôle collectif, va s'arranger pour que la mémoire se réincarne dans plusieurs individus. Un peuple complet va soudainement, comme changer, parce qu'il change. Il ne comprend pas ce qui lui arrive, il digère simplement les personnalités réincarnationnelles. Alexandre Lachance est temporairement incarné, un être contrôle l'a placé dans un corps vivant, temporairement, en attendant qu'un autre corps puisse le recevoir. Et c'est pourquoi Alexandre Lachance a demandé à être congelé pendant 40 jours, mais en réalité, 3 jours après, c'était réglé, mais on ne prend jamais trop de risques. Chaque planète a un plan. Plan. D'où le nom planète. Ça, c'est une question d'un intellectuel ici, là. Les comètes, elles disent comment faire le plan. Allez. Alors, y a-t-il des planètes non expérimentales? Bref, tout le reste ne sert à rien. Ici, il y a juste, y a-t-il des planètes non expérimentales? Et je ne dis pas ça pour frustrer les gens. Ceux qui se sentent frustrés, sentez-vous pas frustrés. C'est pas vous qui avez posé la question, je connais la personne. Et il y a... toutes les planètes sont expérimentales sur certains niveaux de conscience, pour certains phénomènes énergétiques, mais pas comme l'homme ou pas comme la Terre. Est-il vrai que tu es un élève de Bernard, que tu fus un élève de Bernard de Montréal? Eh bien, je ne sais pas tout à fait qui est Bernard de Montréal. Je sais qu'il n'a pas fait mon séminaire encore. Mais je n'ai pas non plus été un de ses élèves. De temps en temps, j'entends parler de lui. C'est un bonhomme qui est sans doute intéressant parce qu'on ne me contredit pas. Bon. Ah, c'est un compliment. Oui. Comment mélanger la notion de précurseur individuel avec celle de karma collectif? Or, on fait référence à la première conférence du mois de janvier. Le précurseur individuel, c'est l'esprit, le phénomène instantané qui a constitué, qui vous habite d'ailleurs, mais à un très petit pourcentage, et c'est ce phénomène précurseur, l'intentionnel, celui qui est capable d'intentionnalité, pas celui qui réagit. Celui qui dit, ben moi, je vais manger parce que j'ai faim, c'est une décision que je prends, c'est faux. Quand il n'a pas faim, il ne mange pas. Bon, alors il réagit. Puis la personne qui dit, j'ai pas faim, je mange pareil, elle réagit à ce que je viens de dire. Elle réagit pareil. Bon. Être intentionnel, c'est d'être capable d'exprimer à 100% l'intelligence à travers notre corps physique. Ça ne se fait pas comme ça parce que le corps doit être prêt. Et c'est d'ailleurs le rôle de l'évolution millénaire des corps physiques humains, de façon à rendre ceux-ci prêts. Le précurseur est, bon, il y a cette création qui n'existe pas. Cette création, c'est de la mémoire, et la mémoire, elle est instantanément à la même place en même temps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous voyez ici les rideaux. Ça veut dire que les personnes qui sont loin voient les rideaux au loin. Moi, je m'en viens et j'observe le rideau. Alors, pour moi, le présent, c'est ce que je vois. Mais vous, vous avez toute la faculté de voir mon futur et mon passé en même temps que mon présent. Et moi, je continue à avancer. Et vous savez qu'est-ce qui m'attend dans l'avenir, vous savez qu'est-ce que j'ai fait dans le passé, et vous vivez ce que je vois. Et je continue à avancer dans la matière, et au fur et à mesure que j'avance, je découvre l'avenir, tandis que vous, du point de vue où vous êtes placé, vous voyez en même temps, instantanément en même temps, mon avenir, mon passé, mon présent. C'est question de point de vue. Le point de vue de l'homme est un point de vue qui se véhicule avec une conscience nombritique, très limité à travers un continuum, et nécessairement, il ne peut pas voir l'avenir ni le passé. Et ces deux choses existent en même temps que le présent. Elles sont là. Étant donné que l'être humain chemine dans sa conscience sur cela, exactement comme lorsque vous vous promenez en automobile, vous voyez les maisons une après l'autre, mais la personne qui est en hélicoptère, bien, elle voit tout au complet, bien, elle voit votre avenir, votre passé, votre présent. Et ce n'est pas une question philosophique. Elle voit votre avenir. Elle sait ce que vous allez voir. Elle sait où vous allez passer. Et elle voit d'où vous venez. Mais pas vous. Mais c'est question de point de vue. Et lorsqu'on a une conscience qui nous permet d'avoir un point de vue de plus en plus extralucide, c'est-à-dire une extra-conscientisation planétaire, eh bien, on voit ces choses. Le temps a été créé d'une claque. Qu'est-ce que c'est? C'est simplement la mémoire instantanée d'un phénomène. Ce phénomène, c'est vous. Mais ce phénomène, c'est vous, pas en tant que mémoire du phénomène. Et vous êtes des mémoires du phénomène. Mémoire corporelle, mais insuffisamment correcte pour redevenir instantanée. Mémoire amique, que nous nous rappelons du passé. C'est-à-dire ce que nous voyons, puis il s'oublie dans le temps, et puis on ne voit pas tout en même temps, et on n'est pas capable de se rappeler l'avenir encore. Et les messies, les avatars, servent à venir par l'idée de la prophétie, servent à venir nous instruire de l'avenir, et là, au lieu de se rappeler l'avenir, nous nous rappelons la prophétie de l'avenir. C'est plus supportable pour l'ego. Bon. Le précurseur, lui, est passé. Il est passé instantanément, c'est un phénomène qui n'a... Il y a seulement eu la création du temps et de l'espace, et à travers cela est restée la trace de la création. Et cette trace créationnelle, elle a une bribe de conscience de 5% qui habite l'homme. Et cette bribe de conscience n'est pas... Elle est 5%. Elle doit absolument être supportée par un corps physique. Et elle n'a pas suffisamment présentement de solidité matérielle pour pouvoir... faire autrement que d'observer que des bribes d'instantané mémoriel, une chose à la fois. La conscience collective, c'est simplement la gestion de tout le phénomène mémoriel ici à travers l'évolution de toutes les bribes de conscience qui circulent dedans, de façon à ce que la mémoire de chaque précurseur ne s'entremêle pas. C'est d'ailleurs le rôle des archanges, du phénomène archangélique, de vérifier cela. Alors, si on regarde ici, bon, comment mélanger la notion du précurseur individuel avec celle du karma collectif? Le karma collectif, c'est l'interaction qu'il va y avoir entre chaque phénomène matériel de la mémoire. Autrement dit, si vous apprenez les mathématiques, un exemple, apprenez 5 langues en même temps. Bien, vous allez toutes les mélanger. Alors, étant donné que dans votre mémoire, il y a 5 langues en même temps, pour ne pas les mélanger, sur le plan de l'évolution de l'homme, étant donné que 5 milliards, quelques millions d'êtres humains en même temps, il y a des phénomènes qui viennent vérifier que ça ne se mélange pas. Et pour que ça ne se mélange pas, nécessairement, vous ne pourrez pas aller là où se trouve un autre. De ce fait, vous allez être dans une liberté très illusoire, et c'est l'interaction de chacun des phénomènes qui engendre le karma collectif. Le précurseur ne nous habite que dans le petit 5% qu'on veut bien exprimer, et il est dans l'instantané, c'est-à-dire que le précurseur, c'est l'hélicoptère qui voit toute la ville au complet, puis qui sait tous les avenirs et les passés de chacun des personnages qui, là-dedans, lui, ne voit pas partout. Mais là, l'avenir est déjà existentiel, le passé aussi. Ça ne s'efface pas. Va nous faire appel à notre être contrôle seulement lorsque nous en avons besoin. Non. L'être contrôle est continuellement en train de déterminer ce qui va se réincarner dans la conscience amique de l'homme. Et on ne doit pas se dire, bon, ben là, je n'ai assez, là, je t'ai écœuré, là, on va commencer. Commencez donc tant que c'est le temps. Mieux vaut évoluer pendant que c'est confortable que de commencer à évoluer quand on ne peut plus. C'est plus simple. Alors, simplifions les choses. L'être contrôle, ben, améliorez-vous. Vous avez souvent la mine des... Tu sais, les voisins, le monde vont vous dire des choses. De temps en temps, ils ont comme raison. Vous n'aimez pas ce que vous exprimez, vous mettez du maquillage, vous changez le chapeau. Non. Changez donc ce qui se passe en dedans. La perception va changer. Et comme les lignes de la main changent à toutes les 15 ans pour essayer de suivre l'évolution du plan de l'âme, nécessairement, votre corps va changer aussi. C'est un petit peu plus long. Mais franchement, 15 ans à travers 15 milliards d'années, c'est pas si long que ça. Alors, au lieu de vouloir travailler avec notre tête contrôle seulement quand on en a besoin, on en a besoin régulièrement parce que si on ne s'en occupe pas, il s'occupe de nous. Bon. Si chaque être humain est né avec une âme, d'où vient sa programmation? Premièrement, le monde de la mort, c'est de la mémoire qui provient de l'origine, c'est-à-dire qui existe depuis que le plan planétaire s'est densifié. Les premières mémoires du monde de la mort, ce sont les mémoires de la boule de feu qui est notre planète Terre en train de se densifier. Alors, archétypalement, les vieilles formes laissées dans le monde de la mort vont induire dans la conscience de l'homme qui commence à se réveiller une mémoire très, très, très infernale, l'enfer, les feux éternels, qui ne sont que la mémoire, disons, du monde de la mort, la mémoire archétypale de cette boule de terre en train de se refroidir. À l'instant où la matière est révélée, elle enregistre, comme les cassettes, comme les photographies, c'est la même chose. Alors, lorsque tout cela se fait, il se passe des événements. Les événements sont tous enregistrés. Les hindous appellent cela les annales akashiques. On peut appeler ça comme l'on voudra. Les chrétiens appellent ça le grand livre dans lequel va lire Saint-Pierre. Bon. Et ces phénomènes enregistrent tout de A à Z, et lentement, ce sont ces mémoires qui se réincarnent. Donc, nécessairement, se rappelant ce qu'elles étaient, plurimélangées dans chaque réincarnation nouvelle. On peut se référer à des conférences que j'ai faites sur la réincarnation, si on veut comprendre. De toute façon, dans le séminaire, j'en parle énormément et on pose des questions directement, ce qui est intéressant. L'individu qui reçoit une âme, bien nécessairement, cette âme est tributaire de l'aide des mémoires extérieures, de la programmation. En plus, l'âme qui se réincarne est assujettie à un canal dans le monde de la mort, un canal qui va l'obliger, l'individu, à suivre ses règles. Parce que l'égrégore dans le monde de la mort a besoin de l'expérience de l'homme. Quand je disais que d'une forme de marée, on vous en donne et on vous en prend, alors nécessairement, on va vous donner un nom. Et je l'ai dit souvent, toutes les personnes, la majorité qui sont ici, sont reliées à un Dieu, un égrégore qui a besoin de se nourrir de l'expérience de l'homme. Et c'est pourquoi on vous a relié à l'Église catholique romaine dans la majorité des cas. Et on vous demande donc, en tant que parent, de baptiser vos enfants avec un nom qui est mémoriellement relié à l'Église catholique romaine. Puis comme il y a des rusés ou des imbéciles qui donnent des drôles de noms, Eh bien, sous votre baptistère, ça va être écrit Joseph, machin chouette, ou Marie, machin chouette. De toute façon, là, c'est réglé d'être plugué là. Bon. Alors, c'est ce qui arrive. Donc, il y a une programmation qui s'induit immédiatement et l'être humain est relativement programmé. À un point tel qu'on peut prendre un livre de prénoms puis de dire les Maries sont ta-ta-ta-ta-ta, les Pierres sont ta-ta-ta-ta-ta. Les Pierres vont être similaires à l'ensemble des Pierres qui auront vécu sur la planète Terre. Et les Jean-Pierre ont des problèmes de personnalité parce qu'ils sont pognés avec deux phénomènes. La programmation vient premièrement donc de la gestion du monde de la mort, la mémoire expérientielle de notre planète, et deuxièmement de l'expérience qu'on appelle le milieu, votre éducation. Si je prends un autre nom mémoriel, est-ce que ça peut changer mon attitude? Est-ce que je peux être pogné avec d'autres choses? Pour être pogné avec d'autres choses, oui. Est-ce que ça peut changer l'attitude? Oui. Dépendant du nom et dépendant de quelle façon on va pouvoir appliquer ce nom-là. Dernièrement, on a une personne qui a changé de nom, et puis on l'a appelée par ce nom-là, puis elle était là. Hein? Ah oui, c'est vrai. Bon, ben là, sur quel plan le Nazaréen travaille-t-il présentement? Le Nazaréen, c'est-à-dire chez Joshua ben Joseph, Jésus fils de Joseph, qui faisait partie de la secte nazaréenne, une secte ectopique de la secte essénienne à l'époque. Le Nazaréen est né en l'an moins 3 avant Jésus-Christ. Alors, à cette époque-là, Joseph et Marie étaient esséniens. La seule secte essénienne qui permettait d'avoir des femmes pour avoir des enfants était la secte nazaréenne. Le Nazaréen a donc vécu très longtemps. Il est entré en contact avec son esprit d'une façon totale. Il a terrifié son corps en terrifiant les Romains. C'est-à-dire qu'il a simplement fait disparaître son corps dans le tombeau. Puis après ça, quand ils ont fouillé, ils ont y trouvé. Bon, voilà. Et le Nazaréen ne travaille sur aucun plan planétaire présentement, sauf que la conscience du Nazaréen est une conscience qui porte le nom conscience christique. Donc, lorsque Jésus devient Christ, il est appelé théologiquement Jésus-Christ. La conscience christique porte le nom québécois énergie supramentale. Et lorsque l'énergie supramentale, c'est-à-dire votre propre conscience, votre propre intelligence, pas l'intelligence d'un autre, lorsque celle-ci arrive à être exprimée par votre corps au détriment de votre âme, bref, lorsque l'esprit arrive à pousser dessus pour passer, eh bien, nécessairement, le retour du Christ est accompli, le retour de l'énergie christique. Et le Nazaréen lui-même, qui est un grand gestionneur d'un paquet de phénomènes créationnels temporels, n'est pas sur le plan planétaire pour s'occuper du moindre petit bobo des individus. Lorsque l'être humain prie le Nazaréen, Jésus, Jésus-Christ, Christ, tous des noms différents, s'adresse à des égrégores différents, donc des phénomènes du monde de la mort, nécessairement, l'énergie qui est là-dedans va aider les personnages qui vont prier. Sauf que plus il y a d'humains qui demandent et moins il y a d'humains qui remercient, autrement dit, plus il y a d'humains qui prennent et moins il y en a qui donnent, moins ça marche. L'égrégore se vide et s'affaiblit. Et c'est d'ailleurs l'achèvement normal des égrégores nationales et de toutes les égrégores théologiques. Le Nazaréen travaille sur un plan qui n'est absolument pas planétaire, même si en dessous du travail qu'il fait va être régi des entités qui travaillent avec des phénomènes universels, qui travaillent avec des phénomènes galactiques, qui travaillent avec des phénomènes solaires et qui finalement travaillent avec des phénomènes comme nous autres. Même si ça paraît extrêmement loin ce que je viens de dire, parce qu'on a la création, on a les super-univers, on a les univers locaux, on a les galaxies, on a les systèmes solaires et on a les planètes, puis on a nous autres. Paraît loin. Mais c'est exactement comme si je vous dis, il y a la ville de Montréal. Pour arriver à la voir au complet, tu as 4882 rues, sans compter les ruelles. Il y a quand même à faire. Tu embarques d'un hélicoptère, tu vois tout, c'est réglé. Alors, c'est pas la quantité ou l'apparente grandiosité qui devrait nous rendre plus médiocres. Du point de vue de l'âme, on ne pourra pas tout englober. Notre mémoire n'est pas assez grande, on va l'oublier autant qu'on va en rentrer dedans. La conscience de l'esprit, la conscience de l'instantané englobe instantanément tout ça. Comment on fait pour l'exprimer? Eh bien, on fait un peu comme on a compté ce soir. On parle d'être contrôle. On doit comprendre la mécanicité de sa vie. On doit cesser de perdre notre temps à chialer. On doit simplement s'organiser pour goûter à la vie. Et quand on pose la question, à quoi ça sert? La question ne se pose même pas. Faites-le. L'enfant qui est un enfant n'a pas besoin d'apprendre tout ce qu'un adulte aurait besoin d'apprendre pour agir comme un enfant. Alors, l'adulte va devoir apprendre à faire ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça. Puis, il peut poser la question, « Ouais, mais l'enfant, lui, le sait-tu? » Non, il ne le sait pas. Puis, il n'a pas besoin de savoir. Il est un enfant. Alors, lorsqu'on arrive à comprendre, tout ce que je dis est inutile. Pourquoi? Parce qu'on n'a plus besoin de le savoir. C'est plus utile de le savoir. On n'a plus besoin d'apprendre à marcher. tu flottes. Hein? Bon. T'as même plus besoin d'être drogué, imagine-toi. Comment faire pour permettre et canaliser la réincarnation d'entités qui ont de l'affinité pour une gestion du temps très organisée et fonctionnelle? Bon, il faut commencer par changer sa propre attitude, c'est-à-dire que si on voit l'intelligence de l'organisation temporelle, peut-être même matérielle, eh bien, nécessairement, on doit changer son attitude. On achète un agenda qu'on s'organise pour ne pas perdre. Bon. Parce que souvent, on la retrouve en septembre. Alors, évidemment, l'année est finie. On doit changer son attitude et orchestrer des moyens. On doit faire les premiers pas. Et lentement, on va attirer des affinités. C'est bien évident qu'une mémoire réincarnationnelle qui s'occupe du temps et qui organise le temps n'est pas absolument pas intéressée à aller se battre contre toute une entité complète qui est toujours en retard. Il n'y a rien à faire. Vous êtes beaucoup plus puissant du point de vue de l'âme que tout ce qui se réincarne. Ça ne fait que colorer l'âme. Et après 15 ans de coloration, bien là, ça finit par vous imbiber. Mais alors, nécessairement, une personnalité qui veut organiser le temps n'ira pas se planter dans un corps physique habité par un âme qui est toujours en retard, qui a toujours oublié, qui est ceci, qui est cela, il n'y a rien à faire. Bon. Alors, nécessairement, on doit changer notre attitude. Donc, en changeant notre attitude, on change des petites choses. Et petite chose par petite chose, ça demande un petit peu de volonté. Et c'est là que le mot volonté prend une grande importance. Lorsqu'on décide d'appliquer ce qui, pour nous, semble intelligent d'appliquer, pas question d'émotion, encore une fois, mais encore se faire avoir. Comment faire pour permettre, voilà. Si je relis la question, on va répondre différemment, parce que j'ai mon temps pour la relire. Est-ce que le 14e Dalai Lama actuellement vivant sera le dernier de sa lignée? Ah, ben ça dépend du Dalai Lama, hein? Y a-t-il une intelligence au fait que la réincarnation ou la République populaire de Chine ait envahi et saccagé le Tibet? Ah, ben oui, évidemment. Très intéressant. La Chine, elle a envahi le Tibet pour empêcher le phénomène bouddhique de continuer à prendre de l'ampleur. Les Juifs ont toujours été trop puissants sur le plan planétaire, c'est-à-dire du point de vue mental, dans leur phénomène théologique. Et c'est pourquoi les Juifs ont dû prendre un break de prière, un break d'énergisation de l'égrégore lors de la Deuxième Guerre mondiale, pour permettre à l'intelligence christique de ne pas se réincarner, de ne pas revenir à travers que le peuple juif, comme le Nazaréen était obligé de le faire, comme d'ailleurs Jean, le Baptiste est obligé de le faire, et pour permettre ce retour à travers d'autres peuples, ainsi nécessairement que le peuple juif. Les bouddhistes, le Dalai Lama avait énormément trop de puissance au niveau de l'occulte, surtout qu'il avait un contact en affinité avec les plans shambhalayens et agartiens, c'est-à-dire Shambhala et Lagartha, qui sont deux plans tout à fait anti-évolutifs pour une conscience nouvelle, mais qui sont des plans qui ont supporté pendant longtemps l'évolution des humanités à l'époque de l'évolution des troupeaux, c'est-à-dire dans une évolution collective et collectivisante. Mais Shambhala et Lagartha sont tout à fait sataniques du point de vue de l'évolution de l'individualité. Ce sont des maîtres qui ont besoin de disciples, et les disciples doivent respecter les maîtres. Un maître qui ne se sent pas respecté tape dans le disciple. Alors, nécessairement, lorsque la Chine a envahi le Tibet, elle est venue désamorcer énormément de phénomènes de rection du monde de la mort qui collectivisait les peuples. Et lentement, le Tibet était en train, de toute façon, avait envahi les Indes à partir de leur concept. Et ça s'étendait à travers le système planétaire au complet. Et on devait empêcher cela pour que le phénomène christique ne soit pas confiné par la gestion mentale astrale de l'homme à se réincarner dans un phénomène exclusivement bouddhique. Donc, le plan christique se réincarne dans n'importe quel phénomène, ça dépend de la génétique, donc de la conscience de l'âme. Et plus on veut comprendre, plus on change les choses. On n'a pas besoin de se tripoter le cerveau. Alors, est-ce que cette région aura une importance au niveau mondial plus tard? Non, c'est une région qu'on va oublier, à travers bien d'autres régions qui sont connexes à cela. Qu'est-ce que l'initiation globale planétaire? Bon, bien brièvement, l'intelligence supramentale, ce sont des questions qui sont extrêmement grandioses et je fais un séminaire pour répondre à ces questions-là qui sont un peu trop grandes. Très rapidement, le contexte planétaire est un contexte de mémoire. J'en ai parlé un peu lors de la conférence sur le processus de l'effusion. Et tout ce que nous pouvons comprendre de l'initiation globale planétaire, de l'initiation humaine, donc du phénomène expérientiel, c'est que la matière, c'est de l'énergie, c'est de l'intelligence, c'est de la supra-énergie, sauf qu'elle est densifiée dans le temps, tellement mémorisée qu'elle ne bouge plus, c'est de la matière, elle sera révélée, elle devra être animée, elle devra s'identifier, elle devra se désidentifier, elle devra intelligencer les choses et elle devra redevenir instantanée. C'est l'initiation de l'homme sur le plan planétaire. On fournit des corps humains, on les anime, anima, âme, on les anime, de façon à ce qu'ils se cassent la gueule régulièrement, d'une façon très mécanique et très logique, de façon à renforcer la génétique corporelle, donc à travailler la matière par la matière, l'intelligence ne pouvant pas travailler la matière, parce qu'il est de l'énergie. Lorsque l'énergie devient de la matière pour travailler la matière, bien, elle est aussi froide que la matière. Lorsque Dieu se rapproche d'un homme pour y parler, il vient aussi contre l'homme, il ne peut plus rien imiter. Bon. Alors, c'est pas compliqué. Vous voulez vous parler à un chien pour qu'il vous comprenne à son niveau? Bien, devenez un chien. Il va vous comprendre à son niveau. Et c'est le problème. La matière, par contre, à travers l'évolution expérientielle de la vie, change. Et lorsqu'elle change, elle monte en vibration, elle monte en niveau, en probabilité de conscience. Et nécessairement, ce qui descend pour y parler arrête à un niveau plus haut et elle comprend plus. Puis quand elle monte, ça arrête plus haut, puis elle comprend encore plus. Et l'initiation de l'homme, du point de vue de l'âme, eh bien, vous animez 95% de ce qui vous anime un corps physique dans le but de se laisser manipuler et dans le but de faire une vie qui, finalement, échappe totalement du point de vue de l'intelligence à la majorité des humains. Parce qu'ils n'ont pas saisi une chose, vous n'êtes pas important, c'est vos corps, c'est votre génétique qui est important. Lorsque l'on prend conscience de certaines choses, lorsque l'intelligence, le petit pourcent d'intelligence peut s'exprimer, ah, là, c'est autre chose. Vos corps sont importants, mais cosmiquement, ce qui l'habite aussi devient important. Important dans le sens utile. Alors, lorsqu'une personne se prend en main, lorsqu'une personne veut changer des choses, lorsqu'une personne veut poser des questions neuves, lorsqu'une personne veut rechercher des explications neuves, lorsqu'une personne fait une démarche plus rationnelle, lorsqu'une personne est prête à s'anégoïser, à perdre de l'orgueil, plusieurs phénomènes, et nécessairement là, la personne, elle devient utile et donc importante du point de vue cosmique. Dans le séminaire, de temps en temps, on passe énormément de temps juste à l'explication de ce que c'est que le double éthérique, de ce que c'est que la survie après la mort, de ce que c'est que d'être inutile ou important du point de vue cosmique. Et on se rend compte effectivement du pourquoi il y a tant de mortalité, tant de pays qui s'entretuent régulièrement, pourquoi les famines en Éthiopie ne pourront jamais être abandonnées tant que le peuple ne sera pas carrément dissous. Il y a un paquet de choses comme ça. L'homme n'a aucune importance parce qu'il est génétiquement important, ce qu'il habite n'en a pas. Vous marchez sur la rue, un bandit tire une balle de fusil à travers une vitrine de banque et elle vous touche puis elle vous tue. Bien oui, c'est ça. Ça crée de l'expérience, ça fait bouger les égos des autres puis ça mute le corps. Lorsque l'être humain devient conscient dans son corps, lorsque l'être humain veut exprimer de l'intelligence, en réalité, lorsque l'ego veut l'exprimer, elle permet l'expression d'intelligence. Donc, lorsque l'être humain exprime, même si c'est un iota d'intelligence, le tireur sera dérangé, manquera son coup, la balle va ricocher, vous allez vous pencher pour attacher vos souliers, chose certaine, la balle ne vous touchera pas. Elle ne pourra pas vous toucher parce que vous n'êtes plus une question de hasard génétique mécanique. On ne se servira pas de votre disparition pour perturber les égos, les âmes d'autrui, de façon à ce que les autres vivent leur évolution en mettant leur corps. Alors la balle va passer à côté. Alors pourquoi la balle touche telle personne? Simplement parce que la balle passe, l'autre aussi, c'est tout. Mais si c'est une personne qui a un peu de conscience qui passe là, la balle va devoir... Oh, les miracles! Ah, il m'est rien arrivé, ben là, il m'a manqué! Tu sais, c'est pas d'évolution, il m'a manqué! Ben, pourquoi il t'a manqué? Ben, parce qu'il tire à côté. Ça aurait été plus évolutif, ça t'aurait traversé la tête, puis t'aurais rien eu, je comprends. Du point de vue de l'ego, ça aurait été bien trippant. T'aurais tellement trippé que t'aurais été jamais là le restant de tes jours. T'aurais été missionné, tu t'aurais pris pour n'importe quoi, ton évolution aurait été bloquée net. Alors, à un moment donné, tu te penches, une mouche qui t'achale, tu viens pas, quelqu'un t'emmerde. Puis le temps que tu lui donnes des bêtises, la balle passe, et puis voilà, c'est très simple. Oui? Est-ce que certaines réincarnations peuvent donner au corps physique des symptômes de maladie? Au niveau du processus réincarnationnel, oui. Des personnes qui sont en parfaite santé et qui, à un moment donné, deviennent malades, ils peuvent être malades pendant longtemps parce qu'ils sont en train de digérer certaines réincarnations. Et lorsqu'on réincarne des mémoires de personnes qui ont vécu dans des corps malades, ça peut amener des symptômes. Faire attention. Lorsque l'on accepte trop facilement d'être manipulé, les personnes qui sont très influençables peuvent carrément être malades. D'autres personnes auront les symptômes de la maladie sans avoir la maladie, le syndrome. Et ça, avec, c'est un phénomène qui peut arriver. Melchisedec, est-ce un individu ou un ordre? C'est un concept. C'est-à-dire que c'est la matérialisation humaine d'une quantité d'énergie et nécessairement d'un phénomène énergétique. Et pour que l'être humain puisse arriver à comprendre ce phénomène du point de vue de l'âme, l'âme personnifiant tout, on met un mot, exactement comme si je mettrais le mot lumière. Bien, lumière, on ne pense pas à Monsieur Lumière, on a de la misère à comprendre. Si on met Melchizedek, là on comprend plus, sauf qu'on personnifie. On ne mettra pas de la barbe à lumière, on va en mettre à Dieu. Bon. Alors, c'est un ordre, c'est-à-dire que c'est un contexte extrêmement grandiose. Melchizedek, c'est un phénomène séraphique qui interrelie différents phénomènes galactiques. Donc, c'est un phénomène qui touche et qui interfère sur différents systèmes de galaxies dans un univers, ce qui nécessairement ressemble à un ordre. Mais lorsque une interaction melchizedienne se fait dans un contexte évolutif, il ressemble plus à un phénomène hiérarchiquement plus bas. Et lorsqu'un phénomène melchizedek interfère directement du point de vue de la vie d'un individu, de l'instruction des mystères d'un individu ou de la gestion d'un ajusteur de pensée, bien compliqué ce que je dis là. Encore une fois, je donne un séminaire pour justement expliquer ces phénomènes-là. Je ne peux pas tout expliquer comme ça en conférence. Lorsque cela se fait, le melchizedek est perçu comme étant un individu. Si on regarde le Melchizedek qui a rencontré Abraham, eh bien, il était perçu comme un individu. Et de temps en temps, certains phénomènes melchizédiens vont perturber l'évolution de l'humanité et peuvent être perçus comme un individu. Mais c'est aussi illusoire que le corps astral, qui n'existe pas. L'individu est couché et il décolle dans l'astral. Et puis, il jure qu'il y a un corps astral parce qu'il l'a vu. Mais s'il l'a vu, c'est qu'il est à côté. Donc, tu n'es pas dans son corps. Et le corps astral est créé par l'illusion de la psychologie de façon à pouvoir mieux supporter l'idée que tu viens de sortir de ton corps, parce que la conscience amique ne peut pas cellulariser, elle ne peut pas comprendre que tu peux voyager pas de corps. Étant donné que dans l'Antiquité, lorsqu'on faisait ces initiations, eh bien, pour que le disciple comprenne ce qu'on lui demandait, bon, il disait « voyage, mais voyager, bout de plug, il me faut quelque chose ». Fait qu'on disait « oui, d'un corps, d'un autre monde, un monde parallèle, tu sors avec, tu vas marcher dans la rue ». Et puis, c'est ce qui se passait. Le gars était tout content, il se voyait marcher dans la rue, manquant juste assez de conscience pour décoder que s'il se voyait, c'est qu'il n'était pas là, il pensait qu'il était là. Voilà. C'est le corps astral. Le phénomène melchizédien, c'est la même chose. On peut voir un ordre de Melchizedek, on peut voir un individu melchizédien, mais en réalité, ça nous permet de mieux supporter le contact avec notre propre énergie. Les êtres des autres plans nous ont pris quelque chose. Quoi? Les seuls phénomènes qui veulent voler quelque chose à l'homme, ce sont des phénomènes qui portent le nom actuel d'extraterrestres et qui font tout pour voler le corps ou la génétique de l'homme. Alors, ils vont essayer, premièrement, de manipuler l'humain en leur volant des parties de cellules, n'est-ce pas? C'est un peu connu, c'est même très à la mode dans certaines régions où on vous dit qu'on prend une petite cellule de votre corps, puis on dit, quand vous allez être mort, on va vous recréer quelque part. Oui, on va recréer ton corps, puis on va l'habiter. Toi, ben, bon. Parce que le phénomène extraterrestre, c'est un phénomène énergétique, hiérarchiquement plus haut que l'homme, mais qui n'a pas de conscience, comme l'homme, et qui n'a pas le rôle de l'homme, et il descend. Il est en train d'évoluer. Et là, il rencontre l'homme à terre, qui, lui, est en train d'évoluer. Alors, la seule fonction, la seule idée qui lui vient dans la tête, c'est de se plugger sur l'homme. Alors là, il n'aura pas besoin de descendre en bas, et il va pouvoir maintenant monter avec l'homme. Mais pour se plugger sur l'homme, ce n'est pas l'âme de l'homme qu'il faut qu'il cherche, c'est le corps matériel de l'homme. Tous les extraterrestres qu'on a trouvés sur la planète Terre étaient laids. Des grosses têtes, des gros becs, des mains bizarres. Et on se demande comment ils ont pu construire leur vaisseau. Mais ils n'ont pas pu. Quand l'extraterrestre reste trop longtemps sur la planète Terre, il se dégrade, il évolue au bout. Alors, on a un qui se référer à ce que l'humain a imperceptiblement conscientisé. On regarde le film E.T. Il faut qu'E.T. décolle au plus sacré, parce que sinon, il va mourir. Alors, il était un petit gars pour vivre pendant un bout de temps. On regarde Starman, qui a 30 jours, il faut qu'il se ramasse dans le cratère, il faut qu'il décolle, sinon il meurt. On regarde Cocoon, il a 30 jours avec ramasser le cocon, il n'y a pas le temps, il faut qu'il décolle, sinon il capote. Bien, c'est ça. Alors, les seules choses qu'on peut s'envoler, c'est notre génétique. Régulièrement, aux États-Unis, au Canada, dans d'autres parties nord planétaires, il y a énormément de femmes qui sont absolument touchées par Dieu, mais sont absolument au bout, parce qu'ils sont enceintes et qu'ils n'ont pas connu d'hommes. Mais il y a une partie de leur vie qui leur manque. Et c'est connu, ceux qui font des recherches pensent que de temps en temps, des femmes se font carrément kidnapper. On les met enceintes, puis on les remet ici. Oui, parce que leurs enfants auront eu un mélange génétique et les extraterrestres espèrent bien pouvoir s'en servir. pourront s'en servir un peu, mais ça ne fonctionnera pas énormément. L'humain étant ce qu'il est, il est trop puissant. Qu'est-ce que c'est que l'évolution si on regarde le phénomène extraterrestre que beaucoup d'êtres humains adorent? Prenez un extraterrestre, mettez-le à poil. Prenez un humain, mettez-le à poil. Mettez-le les deux dans le même bordel, puis regardez lequel qui va s'en sortir. Et là, on aura une idée de l'évolution de l'individu. Parce que quand moi, j'étais lunier et que j'ai vu le lait apparaître sur la Lune, et puis j'ai vu un Américain descendre, qui sautait comme ça, là, mais là, je me suis dit, wow, c'est Dieu, ça! C'est au bout! Et comment qu'ils doivent être évolués? Ça se viole aux États-Unis, ça se sue, ça se divorce, ça se massacre. Voyons donc. L'évolution technologique, c'est l'évolution d'une collectivité. Ça ne regarde jamais l'évolution d'un individu. Alors l'extraterrestre, il viendra avec tout ce qu'il voudra, étant donné que la matière d'où il vient est beaucoup plus légère que la nôtre, c'est plus facile pour lui de pondre des sottises. Puis lorsqu'il arrive ici, tout le monde se met à genoux devant eux autres. Mais comme je vous dis, prenez un extraterrestre, ôtez-lui tout ce qu'il a, foutez-le en plein Vietnam, mettez un Américain à côté en plein Vietnam, puis regardez lequel des deux qui est le plus évolué. Vous allez voir que l'extraterrestre, il va... Il ne sera pas aussi gentil que ceux qu'on connaît. Quel sujet intéressant pour instruire une personne qui donnera la vie et efficacement nourrissante pour cette vie qui sera? Je vais vous expliquer la question. Or, une personne qui veut donner la vie, qui peut-être porte un enfant, veut donner naissance à un enfant, alors qu'est-ce qui serait intéressant pour elle puis pour l'enfant? C'est une manière d'expliquer la question. Or, je répète, quel sujet intéressant pour instruire une personne qui donnera la vie et efficacement nourrissante pour cette vie qui sera? Oui, c'est la même chose. Bon. La meilleure chose pour permettre la naissance d'un enfant et pour la personne, si elle est réellement intéressée, j'ai fait quelques conférences sur comment donner naissance à des enfants. Enfin, je me rappelle plutôt des titres, mais on peut fouiller dedans les feuilles ou le catalogue. Concevoir un enfant nouveau, puis ces choses-là, ça donne une petite idée. Chose qui est certaine, c'est que chaque fois qu'on exprime de l'émotion, on l'exprime par le système hormonal. Chaque fois qu'on l'exprime par le système hormonal, nécessairement, l'enfant est nourri par le sang de la mère. Il est donc handicapé par le système hormonal de la mère. Et il décodera donc les agressions hormonales que la mère décode comme étant l'émotion. Donc, le fœtus vit l'émotion de la mère par le système hormonal. Et plus la mère vit d'émotion, plus elle drogue son fœtus. Donc, c'est comme si elle injectait des hormones dedans. Moins la mère va vivre d'émotion pendant sa gestation, plus l'enfant sera libéré de la mère à la naissance. Et il est essentiel qu'un enfant soit totalement libéré de ses parents au plus vite. Donc, un enfant qui ne s'ennuiera jamais. Ça crée un enfant nouveau. J'ai fait suffisamment de conférences sur l'enfant nouveau. Et quand le parent est ancien, ça crée un maudit problème. Mais ça, l'enfant lui aura un problème, les parents. Qu'est-ce qu'il y a de nourrissant pour ces personnes-là? Ils n'ont qu'à fouiller. Il y a suffisamment de documentation, soit au niveau de ce que j'ai fait, soit au niveau de ce que d'autres ont fait. Pour cela, la question est trop vague et trop grande en même temps pour que je réponde à une période de questions. Peut-on fonctionner selon ou à partir d'un désir ou d'un besoin? Voudrais-tu développer? Le besoin psychologique est un désir. Le besoin mécanique relié à un plan est une nécessité. Alors, je dois manger parce que je sens que mon corps a faim. Ce n'est pas un besoin psychologique. Mais je regarde ce qui est nutritif pour moi et je me dis, j'ai pas le goût. C'est un besoin psychologique et le besoin psychologique s'adresse au plan physique. Donc, il y a une inharmonie totale. Lorsque nous parlons d'un besoin, il doit être considéré comme étant relié à une loi mécanique selon le plan qui le vit. Alors, il fait chaud, je vais mettre des pantalons amples. Mais en même temps, c'est pas à mode. Besoin psychologique d'être collectif, et là, je mets des pantalons serrés. Le corps physique mange encore la claque parce qu'il y a le désir psychologique appelé besoin, souvent, parce que c'est un besoin. Mais c'est un besoin qui est illusoire. Il ne s'adresse pas, il s'adresse au mauvais plan. Alors, lorsque l'on nourrit notre psychologie en mangeant de la bouffe matérielle, il y a un problème. Lorsqu'on habille notre psychologie en vêtant notre corps, il y a un problème aussi. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un besoin? Le besoin est une nécessité mécaniquement intelligente et écologique. Et vous savez tous qu'est-ce que c'est qu'un besoin si on veut se donner la peine de savoir ce qu'est qu'un besoin. Un besoin mécanique. Le désir est une prolifération d'une mémoire du passé vers quelque chose d'avenir. Alors, je désire être comme les autres parce que j'ai vu les autres, c'est mémorisé. Je désire avoir ceci, je désire ceci, je désire cela. Et ça crée de grands problèmes parce que lorsque l'être humain vit à partir de désirs, il vit à partir de l'évolution de troupeau. C'est-à-dire qu'il ne vit pas à partir de légifération de conscience, c'est-à-dire qu'il ne fait pas confiance à son esprit. Ça veut dire quoi? J'ai un désir. La personne, souvent, elle me pose la question en séminaire, et ça, c'est assez fréquent, c'est que si on n'a plus de désir, on fait quoi? Mais là, tu désires avoir des désirs. Mais tu désires aussi une réponse. Ça crée un problème. Par contre, si tu ne fais rien et que tu as de la conscience, tu n'auras pas de problème. Tu accompliras sans nécessairement désirer. Autrement dit, l'humain reste absolument convaincu que pour boire de l'eau quand il a soif, il faut qu'il désire boire de l'eau. Ah, oh, mais si je ne désire pas en boire de l'eau, quand tu auras cette soif, tu vas en boire, désir ou pas. Toute l'évolution de l'homme est suffisamment intelligente pour que s'il n'a pas de désir et qu'il a de l'observation, donc un plan mental suffisamment élaboré, donc un peu de conscience, mais même sans désir, il va le savoir. Ouais, mais je n'ai pas le désir, moi, d'aider mon enfant à réussir à l'école. Non, mais t'envoies cette intelligence? Oui, bien, vas-y, désire-le pas, fais-le. C'est tellement simple. Oui. Est-ce que l'être contrôle est au monde de la mort ce que l'ajusteur de pensée est au monde de la vie? Si oui, est-ce qu'on peut devenir son propre ajusteur de pensée comme on peut devenir son propre être contrôle? C'est exactement ça. Les médiums possèdent-ils un savoir instantané? Les médiums possèdent quelque chose de très médium. Les médiums ne possèdent absolument rien. Un médium, qu'est-ce que c'est? Un journal, c'est un médium. C'est quelque chose qui se trouve entre une source et un récepteur. La radio est un médium, le journal est un médium, puis le médium est un médium entre le monde de la mort et le monde de la vie. Puis le médium n'a pas de savoir instantané. Le médium, par contre, a de temps en temps la possibilité de voyager avant vous dans la rue où vous vous en allez. Et alors, il pourra vous dire ce que vous allez appeler votre avenir. Mais le médium n'a pas de savoir instantané. Celui qui a une conscience instantanée ne devient pas médium. Il ne rentre jamais en transe pour aller chercher quoi que ce soit. Puis il y a plusieurs autres phénomènes de la médiumnité qui n'est pas vécu par celui qui a un contact avec l'intelligence instantanée, bref, avec lui-même. Bon, ils ont tous écrit des questions ici sur l'endo des feux. Je suis rusé. J'ai une entité qui s'est incarnée en moi, qui désire toujours manger. Comme dirait quelqu'un, c'est un moyen comme un autre de remettre ça sur le dos d'un autre. Sauf que la personne, elle a raison. Alors, dans la conscience de la psychologie conventionnelle, on va vous répondre ce que je viens de dire. C'est un moyen comme un autre de... Mais l'affaire qu'il y a, c'est que c'est vrai, l'homme est possédé. Vous voyez l'intelligence de ne pas faire ça, puis c'est plus fort que vous autres. Bien, c'est ça. On laissez faire que c'est parce que... Non, c'est que c'est pas vous autres qui voulez le faire. Mais ceux qui manipulent votre corps ont présentement plus de contrôle, et vous le ferez. Or, la personne, elle est pognée par quelqu'un qui veut effectivement toujours manger. Comment peut-on se débarrasser des entités qui nous nuisent? À cette question ici, une réponse bien plate, il faut que la personne fasse une colère mentale. Si elle ne sait pas ce que c'est, bien, il y a un problème. Je donne des séminaires de temps en temps sur la colère mentale, mais elle s'adresse à ceux qui ont fait mon premier séminaire de façon à ce que je ne passe pas mon temps à répéter. Lorsqu'une entité vient nous charrier de A à Z, on doit réussir à planter suffisamment d'énergie au niveau de notre mental, à voir tellement l'absurdité de ce qu'on est pogné à faire pour pouvoir déclencher une colère qui ne provient pas de l'émotif, donc de la même chose, mais qui provient d'une mécanicité intelligente qui va s'exprimer au niveau du monde de la mort, au niveau du canal qui permet la réincarnation, comme au niveau de ce que j'appelle l'anti-homme, qui est toute la partie qui nous bloque carrément, qui nous empêche d'être neuf, et on doit s'arranger pour que cette merde-là comprenne royalement que c'est fini. Et il y a toute une mécanicité qui nous permet d'en arriver là. Et il est bien évident qu'une personne qui mange toujours et qui voit l'absurdité de manger, on peut dire oui, mais c'est parce que son corps a besoin, son corps stocké plutôt que digéré. On peut en mettre des raisons. Ces raisons-là sont tous vraies tant qu'on veut évoluer d'une façon collective en troupeau. Mais lorsqu'on a une conscience individuelle qui nous fait prendre conscience que c'est stupide, c'est pas pour qu'on aille se suicider qu'on voit clair. C'est pour qu'on change quelque chose. Et lorsque la personne se dit, ce n'est pas moi qui veux manger, mais je suis pas ni à bouffer, elle doit manger en regardant le corps manger, puis en continuant à considérer que ce n'est pas elle qui mange. Mais elle est responsable de son corps. Si le corps devient gros, nécessairement, elle aura des problèmes. Elle va continuer à manger, et là, c'est une colère mentale qu'elle doit faire, c'est-à-dire un auto-exorcisme. Et ça se fait avec différentes mécaniques, mais comme, bon, je fais des conférences, je parle. Je fais un séminaire de façon à régler. Hein. En conférence, on amène bien des merdes. Mais en séminaire, on règle les merdes. Et la personne, je fais d'autres séminaires, ce n'est pas pour vendre des séminaires, mais une chose qui est certaine, c'est que de passer mon temps à faire des conférences, lorsque les personnes ont des questions à problèmes, lorsqu'il y a des endroits ou des manières de régler les problèmes, puis de ne pas les suggérer, ça devient tout à fait inécologique et absurde. Ce n'est pas de la vente, c'est de l'information. Mais une chose certaine, c'est que lorsque vous prenez conscience qu'une chose que vous faites est stupide, vous n'êtes pas stupide. Parce que celui qui voit que ce qu'il fait est stupide n'est pas stupide, il le voit. Mais, par contre, on est manipulé. Et le terme plus direct de manipulation, c'est possession. On est possédé. Et on est possédé, est-ce qu'on s'en va à l'église? Est-ce qu'on monte les marches de ravoir à genoux? Non. Quand on fait ça, on est doublement possédé. Oui? OK, je voudrais savoir si dans une de tes conférences, tu donnes des trucs pour faire des voyages astrales ou aller voir dans les mémoires akashiques. Bon, la semaine prochaine, dormir d'une autre façon, on va aborder un peu le phénomène du voyage astral. Et j'ai fait une conférence lorsque j'étais très jeune, n'est-ce pas, il y a 2-3 ans, sur le voyage astral. C'est le titre de la conférence. Bon. Maintenant, il y a des possibilités. Je vais voir ça la semaine prochaine. C'est ce que j'ai dit aux personnes qui faisaient le PMC. Que je fasse un séminaire sur le sommeil et le voyage astral, je ne suis pas sûr, ça va dépendre de la conférence. Si tout est sorti dans la conférence, on ne fera pas de séminaire. Puis si je me rends compte qu'on peut aller fouiller beaucoup plus loin, on verra. Alors, donc, la semaine prochaine, et la conférence numéro 6 ou 7, ou je ne sais plus combien, le voyage astral. Puis ceux qui écoutent mes cassettes du début, vous ne me reconnaisserez pas. Je suis convaincu. Avant, ça parlait astral dans ma tête. Maintenant, ça parle mental, logique, sans émotion, avec observation. Mais ce n'est pas moi qui dirige, expire au mieux. Avant, ça parlait astral, c'est-à-dire, ça parlait... Tu dis comment qui est niaiseux, lui? Ça parlait astral. Ça parlait, oh merde, pas encore, ça parlait astral. Maintenant, ça parle mental, logique, avec observateur. Ça parle encore astral. L'astral, c'est de la mémoire. C'est de l'âme. C'est de la mémoire. Et la mémoire, elle a la faculté de mémoriser. Chaque fois que vous êtes intelligent, elle mémorise l'expérience. Puis après ça, elle vous la recopie. C'est ça qui est un problème, la subtilité. Alors, la personne, elle travaille d'une façon astrale et elle dit avec observateur. L'observateur, c'est elle. Mais ce qu'elle pense mentalement, ça reste encore de l'astral. Ça peut être bon parce que c'est logique et efficace, tant mieux. Mais qu'est-ce qui est important? C'est l'observateur. Le reste, non, le reste, c'est la même chose. Expire ou mieux, ça dépend. Si la personne, elle mange tout le temps et que son phénomène mental, même avec l'observateur, veut la faire maigrir, eh bien, c'est pire pour elle. C'est mieux cosmiquement. Alors, ça dépend, mais gros. C'est cosmiquement mieux. Sauf qu'elle doit savoir que c'est de l'astral, encore une fois, parce que chaque fois que l'on pense, on pense astral. Rien à faire. C'est pas nous autres qui pensons. Lorsqu'on devient relié à sa propre intelligence, on ne pense plus. Je vois deux objets, je ne sais pas lequel je dois prendre. Alors, je me mets à réfléchir, je me mets à penser, puis là, je choisis le bon. Et là, je me dis, « Hey, hein, je suis intelligent, moi. » Intellectuellement serait le mot le plus juste. Et là, je recommence deux jours après, deux objets, puis je prends le mauvais. Pas de chance, coup-ci. Alors, quand tu as de la chance, tu appelles ça, je suis intelligent, moi. Puis quand tu n'as pas de chance, ben, pas de chance, coup-ci. L'intelligence instantanée, c'est intelligent. Réfléchir n'est pas intelligent. Tu vois deux objets, tu prends celui que tu as besoin. Pourquoi réfléchir? Chaque fois que l'être humain réfléchit ou pense, ce n'est pas une expression d'intelligence. Il doit perdre de son temps, de l'énergie, puis il doit se tromper plus souvent qu'autrement pas avec sa pensée, et plus tu penses juste, plus tu te catalogues intelligent. Intelligence, c'est lorsqu'on réussit sans penser. Ça, c'est intelligent. Alors, tu rencontres l'expérience de l'exemple que je donne souvent, deux champignons, un toxique, un comestible, lequel tu prends? Bien, si tu es intelligent, tu prends le comestible. C'est simple. Puis si tu n'es pas intelligent, il faut que tu sois intellectuel, il faut que tu penses. Puis si tu n'as pas lu des livres là-dessus, bien, tu vas être fucké. Bon. La souris va manger le bon, mais toi, tu ne sais pas. Fait que là, si tu es apparemment intelligent, tu en offres un à quelqu'un, puis l'autre à l'autre. Tu te dis, gardez-moi ça, m'en va aux toilettes. Quand tu reviens, celui qui est encore debout, tu finis son assiette. Mais c'est pas d'intelligence, c'est d'intellectuance. Je vois pas d'intelligence. L'homme nouveau sera le premier à se reconnaître cieleste et non pas céleste. Il ne se reconnaîtra pas cieleste, mais il sera effectivement cieleste et non pas céleste. Ne sait-il pas d'avance qu'il fut pour savoir qu'il sera? Non. Parce que l'homme nouveau qui ne sait pas est un homme ancien. Donc, il n'est pas un homme nouveau. Mais l'homme ancien devient un homme nouveau. Qu'on parle d'homme, on parle de femme. Cieleste, pourquoi? Parce qu'il y a la planète Terre, il y a le monde vital, la vie, il y a le monde de la mort, le ciel, et il y a au-delà de ça des mécanicités instantanées d'où proviennent, dans le plus bas des cieux, l'énergie christique, l'intelligence instantanée, l'intelligence supramentale. Quand on parle de cieleste, c'est nécessairement un individu qui est connecté, du point de vue de sa conscience, à des mécanismes des cieux et non pas des mécanismes du ciel. Lorsque le Nazaréen, qui est le premier, amène le phénomène des cieux et du ciel, à un moment donné, on a essayé d'expliquer les cieux par le fait qu'on pensait que chaque planète avait un orbital tout à fait fermé. Alors, il y avait plusieurs ciels, le ciel de la Lune, le ciel de Mars, le ciel de Jupiter, mais c'est une explication qui est fautive. Les cieux datent bien avant ça, et le ciel aussi. Le Nazaréen parle du Père dans le ciel. Finalement, il parle du Père dans les cieux. Voilà. Après le Dieu du monde de la mort qui a engendré ton âme, ton Père créateur du point de vue de l'âme, il parle maintenant de ce qu'il a engendré du point de vue de la conscience. Il parle maintenant des cieux. Et le Nazaréen, après son passage, a ouvert les portes du ciel à l'humanité. Effectivement, depuis ce temps-là, on a des chances de pouvoir fuir le ciel. Mais l'humain a pensé que ça voulait dire que maintenant, on pouvait rentrer dans le ciel. On a toujours été dans le ciel. L'être humain peut-il démontrer et comprendre les phénomènes énergétiques dont il est le centre par des expérimentations scientifiques en laboratoire? Exemple, effet Kirlien, énergie bioplasmique, détecteur de corps astral, éthérique, etc. Bon. Il faut comprendre une chose. Premièrement, celui qui se conscientise ne va pas dans un laboratoire pour démontrer. Pourquoi? Parce qu'il n'a plus besoin de l'évolution collective pour avancer. Donc, il n'aura pas besoin, premièrement, de l'accréditation des autres pour s'accréditer lui-même, et il n'aura pas besoin non plus de prouver quoi que ce soit, parce que de toute façon, ça ne fonctionnera pas. Qui, ici, voudrait être passé le reste de sa vie dans une cage, dans un laboratoire, pour être étudié? Alors, si, à un moment donné, vous avez la capacité de prévoir des événements d'avenir, deux semaines avant, prévoyez l'écrasement d'un avion d'Air Canada et vous annoncez ça aux journaux. L'avion s'écrase. Alors, on vous arrête et là, on commence par vérifier si vous n'avez pas mis de bombe dedans. Oui? Bon. Et vous allez en prison détecter quelque chose d'autre. Et là, ça arrive. Alors là, il y a possession diabolique qu'une grande partie des personnes qui appellent à la radio vont dire, parce qu'on va parler de vous à la radio. Et les autres vont parler de peut-être de maladies. Pathologie. Et là, on va chercher. Et puis, vous allez vous mordre les doigts le restant de votre vie d'avoir, à un moment donné, vouloir expliquer aux gens. On peut parler aux êtres humains facilement à l'extérieur si on ne fait rien de particulier. Moi, j'ai juste une grande gueule dans l'apparence. Ça dérange un petit peu, mais ça ne dérange pas trop. Lorsqu'on a un être humain qui commence à faire d'autres choses que juste parler, eh bien, il se ramasse avec énormément de problèmes. Les problèmes peuvent porter le nom de disciples, les problèmes peuvent porter le nom d'enquêteurs, de chercheurs, etc., etc., etc. Il n'y a rien de pire que d'être assis sur une table pour virer des cartes pour montrer à l'autre que la télépathie existe. Là, l'autre, une fois que tu as réussi 9 fois sur 10, il va dire, ah, tiens, c'est un gars chanceux. Là, on va recommencer avec un autre test, on va recommencer avec un autre test. Le gars qui est convaincu que ça marche, il vous teste pas. Celui qui vous teste, il veut prouver que ça ne marche pas. Or, il va en chercher des moyens pour vous prouver que ça ne marche pas. La journée, vous êtes écœuré, ça ne marche plus. Voilà, on le savait. Charlatan, et vous êtes réglé. Alors, j'ai connu, moi, charlatan. Charles était une personne qui marchait énormément bien et puis continuellement, ce qu'elle faisait, elle le faisait dans des états particuliers. Elle pouvait guérir un individu lorsqu'elle était en affection avec. Là, on la mettait quelque part et on disait, tiens, guéris-le donc. C'était pas dans l'état de guérir personne. Alors, on l'a appelé charlatan, c'est pas. Et continuellement. Finalement, le gars s'est retiré. Pourquoi doit-il y avoir réincarnation chez l'humain? L'homme peut-il vivre sans phénomène réincarnationnel? L'homme vit. Il a 5% d'intelligence que vous devez développer. Et l'homme est constitué temporairement de la mémoire de l'intelligence, à 95% l'homme, qui accumule l'expérience de l'efficacité de la vie et de l'inefficacité de la vie. Il y a des expériences intra-amiques, l'émotion, et tout cela s'amuse. Cela grandit et épuise le corps physique parce que pour que l'âme supporte de la mémoire, elle doit prendre de l'énergie vitale, c'est-à-dire de la vie. Et elle puise dans le corps. Plus vous avez de la mémoire, plus vous vieillissez, du point de vue de la biologie. Et à un moment donné, vous avez un ego tellement puissant, tellement solide, tellement sage, tellement convaincu que si à un moment donné, on vous plante des avions en plein visage alors que vous avez toujours pensé que Dieu n'avait pas mis d'ailes au dos de l'homme parce que l'homme ne fait pas voler, bien, vous allez avoir des traumatismes. Et si on regarde simplement Adolf Hitler, si on regarde Gengis Khan, Kubilai Khan, si on regarde les autres qui sont passés avant et après, s'ils ne mourraient pas, on aurait de grands problèmes. Alors, lorsque l'ego devient tellement puissant qu'il refuse totalement et obstinément que l'intelligence de l'esprit s'exprime chez lui, le corps meurt, l'âme va dans le monde de la mort, l'esprit tourne dans le plan moronciel et attend, et lentement, il y a un autre corps qui est constitué, qui va attirer, selon sa génétique, des personnalités réincarnationnelles, et ça va être encore une fois habité par un ajusteur de pensée qui va être dirigé par une partie de l'esprit. Et là, on recommence, l'enfant est tout petit, il n'y a pas de mémoire dedans, il n'y a presque pas, il y a quelques phénomènes réincarnationnels, ça va se réincarner tout au long de sa vie, et ça ne lutte pas trop dans le début contre l'esprit. Alors, l'enfant est instantané, il est pur, il est naturel, mais il n'a pas de conscience. Lorsque l'enfant commence à avoir une bribe de conscience, la mémoire mémorise la conscience, expérimente la conscience, copie la conscience et crée l'identification. Je, moi. Et là, on recommence le problème, le même problème que d'habitude, et l'esprit est de plus en plus coupé par la mémoire de l'esprit dans l'ego qui vient dire que c'est lui qui est le boss, qui a des barbites, que ceci, que cela. Et lentement, ben, on disparaît encore. Et puis, on refait ça souvent. Quand l'individu est capable d'agir comme un enfant en ayant une conscience, c'est juste là qu'il y a la nuance. Là, c'est différent. Tout est différent. C'est pour ça qu'on se réincarne. Peut-on vraiment contrôler la qualité des réincarnations? Ça, c'est à vous de décider. Moi, j'ai fait une conférence qui vous dit que oui. Je ne sais pas pour vous dire non maintenant. Hein? Bon. Si nous devons nous débarrasser de l'âme, pourquoi n'est-elle que mémoire? Parce que l'âme, si elle serait de l'instantanéité, ne serait pas de la mémoire. Et l'instantanéité, nécessairement, ne conserve pas de mémoire, ce qui fait que si l'âme serait instantanée, vous seriez de l'esprit. Et étant de l'esprit, le problème serait réglé. L'âme, c'est comme, pourquoi la mémoire retient-elle des choses? Bien, ce qui retient les choses, on appelle ça mémoire. C'est pas compliqué, mais bien. Alors, ce qui était mémoire, on a aussi appelé ça l'âme. C'est pour ça que l'âme, elle est mémoire. Comment comprendre que cette mémoire se réaccapare de nous, celle de la réincarnation. Tout ce qui est dans le monde de la mort a la faculté de régir le corps. On prend un corps humain puis on ôte tout ce qui anime le corps, anima l'âme. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le corps, il s'évache sur une chaise puis attend la fin de l'inutile. Rien va l'animer, rien ne fonctionne. Alors, nécessairement, on doit l'investir de quelque chose qui contrôle le corps et qui, dans un monde d'illusion totale, va dire « Mon but dans la vie, moi, c'est une corvette! » Et voilà. Là, le corps Il se met à marcher, il se met à travailler, il se met à peiner, lâche tout le monde. Il s'achète une corvette, il embarque dans la corvette, puis il part à toute vitesse, puis il y a un accident. Fait que là, on recommence le chignard, on commence la bebelle, éliminer l'arme, le corps va se reçoit. Alors, c'est pour ça qu'il y a une arme dedans. Pourquoi ça se réincarne régulièrement? C'est pour obliger la transformation. La personne qui vit toujours le même continuum d'évolution n'évolue plus. C'est-à-dire, ne peut pas grandir, ne transforme plus le corps. Pourquoi? Parce que si vous répétez continuellement la même chose, ce qui doit être transformé est transformé. Et maintenant, il faut transformer le reste. Et si l'humain n'a pas suffisamment d'intelligence pour comprendre le processus de l'amélioration, eh bien, on vient encore le manipuler du point de vue amique, du point de vue émotif. Puis il va transformer le reste. Et puis finalement, il meurt, puis il aura laissé, soit en expérience astrale, donc il pourra se réincarner et muter un corps fœtal ou un corps enfant pendant le début de l'enfant. Il pourra l'agresser violemment pour le transformer pendant l'adolescence. Et puis par la suite, si l'enfant a des enfants, on continue à transmettre l'évolution par la génétique. C'est pourquoi le processus réincarnationnel est absolument essentiel. Il fait partie même de la gestion de l'évolution de la vie. Sauf que ce n'est pas l'âme qui évolue. C'est l'esprit qui fait évoluer le corps par le biais de l'âme. La semaine prochaine, on parle de dormir d'une autre façon. Je vous promets que je ne dormirai pas sur ma chaise tout le long de la conférence. On va donc parler d'une mécanicité qui peut nous permettre de vivre certaines conditions de notre vie qui seraient stupides de vivre avec le corps physique parce qu'on perd du temps. Et on peut perdre aussi de la matière matérielle. C'est préférable de comprendre une chose, de muter le corps pendant le sommeil, que de simplement attendre que la vie nous réveille à cette réalité qu'est l'évolution. Or, en attendant, dormez convenablement. Et la semaine prochaine, on apprendra à dormir d'une autre façon.